juste MIC, je le prends pour toi, garde la foi. Je sais que le manque d'un père absent, pas physiquement mais dans le moral, ça fait mal, j'ai connu ça, je sais comment c'est fatal. C'est comme se prendre une balle de grenaille, quoi qu'il arrive, reste sur les bonnes rails. Tu es mon coup, je mets pas en doute tes compétences, évite les manigances. Envers toi, j'ai aucune méfiance, je sais que tu garderas le silence. Tu connais toute ma vie, toutes mes souffrances, toujours là pour me conseiller, m'éviter de dérailler de ma vie. Je vais jamais trahir, je commence à m'en sortir, ça y est. On a créé un groupe, le S1D qui a des rimes avec ses nems. Ma foi a été remplacée par de la haine, ça s'entend quand je paiera dans ma voix. Que serai, je te le répète encore une fois, reste sur les bonnes voies. J'aimerais pas devoir partir en couille, cache bien ton tosma quand les keufs te fouillent, évite les chromes. Des fois ça laisse place aux douilles, fais ce que t'as à faire tout en faisant attention à tes arrières. Les murs ont des oreilles, y'en a qui hésiteront pas à lâcher leur venin comme une vipère pour te voir pourrir en enfer. Je ferai tout pour éviter ça, même utiliser mes meilleurs atouts. Ensemble on a tapé des putains de délires, mais on se demande que nous réserve l'avenir. On est un groupe soudé, pour le meilleur comme pour le pire. On représente sens, notre empire. Je quitte le MIC, RICEUS. Dès que t'as un problème, n'hésite pas à m'envoyer un SOS. Mike, c'est un vrai kamikaze, c'est 4 lettres, VYTO, retiens bien ce blaze, mets un coup de gaz pour ta cousin, tu sais de quoi je parle, fais pas te faire un dessin. Aujourd'hui sans toi, je ne peux imaginer mon destin. Que deviendrait nos tests syndicats si tu n'étais pas là? Déjà j'ai trop la haine pour CNN, il me manque, mais toi-même tu sais, c'est autrement que le sort en a décidé. VYTO, tu sais la vie est dure, à vivre seul dans la hure, sans problème, s'il te plaît, assure, je veux pas te perdre dans une bavure ou autre sorte de torture. Attaché dans une voiture, faut qu'on perdure. Même si c'est dur, faut qu'on tape plus dur pour écrire des textes purs. Le SNDK des rimes font droit dans le mur. Je t'assure, même si on lutte, bientôt on aura atteint notre but. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au RAP, il n'y a qu'avec toi que j'ai envie de rapper. Avec du cran, du cœur, des rires et des larmes, je serai là pour toi, ces problèmes il y a. Comme je sais que toi, tu serais là pour moi. Un jour, ma mère m'a dit, tu sais mon fils, la confiance ça se gagne. Mais toi avant tout le monde, t'avais déjà gravé la montagne. J'ai toujours ton fun, sur moi c'est un bon plan ce tram. Je serai toujours avec toi, même le jour où c'est une voiture que tu crames. Ou si dans l'air y'a un drame. Vito, mon stylo n'a que peu d'encre pour écrire ces derniers mots. Vito, tu sais le béto c'est bien, mais des fois c'est chaud. Fais attention à tes arrières, car le terre-terre te prend souvent par derrière. Toujours ensemble pour le 8-900, un pur style 100% dans ma zone, la vie de sens. Le SNDK des rimes, unis pour la vie dans nos rimes, unis à la mort dans nos crimes. Mon 8-900 assassine, j'calcine mon joint comme une machine pour finir ma rime. Vito HK, l'âge de rafale, t'as la AK-47 pour lui 7-7, la marne est saine. Vito HK, l'âge de rafale, t'as la AK-47 pour lui 7-7, la marne est saine. L'âge de rafale, t'as la AK-47 pour lui 7-7, la marne est saine.